vie, je crois, suffisamment long sur leur degré de frustration. Les poulets vivent dans une quasi-consanguinité. Ce sont les mal-aimés de la basse-cour. Faut dire aussi qu'ils font tout pour. Les poulets, je crois que ce qui les rend encore plus laids, c'est ce regard méprisant d'imbécile. Et toujours de profil. Les poulets, quand du changement survient dans le poulailler, ou quand pénètre un étranger, il s'agite, il glousse, caquette, il gesticule, il s'excite, les uns les autres et puis deviennent hostiles, ils ont les sens volatiles. Que ce qui les rend encore plus laids, c'est ce regard méprisant d'imbécile et toujours de profil. Cette manie brillante de vivre le bec dans la fiente. Les poulets, pour feindre une improbable virilité, arborent fièrement ces fous qui sont bêtes, un signe distinctif sur la tête. Je crois que ce qui les rend encore plus laids, c'est ce regard méprisant d'imbécile et toujours de profil. Les poulets, certes c'est des êtres vivants mais désolés, moi je les aime, on peut pas me le reprocher.